derrière une idée précise, survoler la crise. Alors je médite sur mon bloc-notes, mais elle est indécise, en plus d'être insoumise. Et je tourne en rond. Sortir pour être là. Mais la chose n'est pas toujours facile. Comment la rendre plus docile et tellement moins futile? Mon écriture est si fragile, plus vulnérable que l'argile. Mon écriture est si fragile.